mettre les pendules à l'heure. J'ai jamais baisé un mec une seule fois dans ma vie, sauf si ses caves les méritaient bien. Tu notes ça? Y'a trop de salopes qui jouent les gangsters. On les enverra six pieds sous terre. Un ne sert de parler, donc qu'est-ce nous faire? On vient du 7-6, on sait tout faire. On est les boss, rien ne sert de parler. On est les boss, rien ne sert de parler. On est les boss, rien ne sert de parler. On est les boss, rien ne sert de parler. Tous mes rôles ne sont pas en Gucci. Si tu veux me fumer, viens dans un Gucci. Ils parlent de shit et de cam. C'est des canards qui montent leur chip à la cam. Et puis fuck, boom bye bye. J't'ai pas attendu pour faire mes bails. J'cours après l'argent tous les jours. J'suis seul, mais tu verras pas un jour. Miracos, mental vatos, locos. Coup de coude, triangle, adios. Adios dans le hall, j'allume mon dios. J'allume mon dios. On s'en fout, c'est que du rap. Dans un test, le Havre, Raptor, ça des rap. On se poursuit avec le monde est haut. Première bavette, nous le monde est beau. Les astuces, cross bitube. C'était terrasse, on est pas en bitwin. OG Kush dans les poumons. J'suis sur le cross avec ma Ginger Win. Ma Ginger Win. Ma Ginger Win. Ma Ginger Win. Ma Ginger Win. Y'a trop de salopes qui jouent les gangsters. On les enverra six pieds sous terre. Un ne sert de parler, donc laisse-nous faire. On vient du 7-6, on sait tout faire. On est les boss, rien ne sert de parler. Bye, bye, bye, bye. On est les boss, rien ne sert de parler. Woo-hoo. On est les boss, rien ne sert de parler. Bye, bye, bye, bye. On est les boss, rien ne sert de parler.